Deux petits sabots de Ouida. Bébé s'élança hors de son lit au point du jour. Elle avait 16 ans. Il lui semblait merveilleux d'être déjà une femme. Le coq qui saluait le soleil sous sa fenêtre ne criait-il pas « Que tu es vieille, que tu es vieille !» avec tout l'éclat d'un clairon. Elle poussa le volet et lui dit bonjour en riant, contente d'être éveillée par lui et de penser que personne ne l'appellerait plus un enfant. Son chevreau bêlait sous le hangar, une grive pépiait dans le feuillage du sycomore, les cloches des nombreux clochers de la ville tintaient, rêveuses, assourdies par la distance et par les brumes du matin. Tout cela répétait la même chose, qu'il est bon d'avoir 16 ans. On eût pu croire qu'en vivant parmi les fleurs, bébé était arrivé à leur ressembler. Elle portait de petits sabots, un petit bonnet et une cotte grise de serge, l'hiver, de toile, en été. Mais les petits pieds nichés dans les sabots étaient deux feuilles de rose. Mais le bonnet avait la blancheur d'un lys et la jupe grise faisait penser à l'écorce qu'entr'ouvre la fleur du pommier pour sourire rougissante au soleil. Les fleurs avaient été les marraines de bébé, des marraines fées. Le tournesol avait prêté à sa chevelure l'or de ses rayons. Le bleu pur du lupin avait passé dans ses yeux. Toute sa personne était pénétrée d'un parfum aussi frais, aussi naïf que celui du tilleul. Et les vents, les pluies, les ardeurs du soleil n'avaient eu d'autre effet que de fortifier la souplesse de ses membres, de réchauffer la blancheur de son teint. Un jour d'été, Antoine Maes, bon vieillard qui pour vivre cultivait son jardinet dont les fleurs se vendaient en ville, avait aperçu un paquet flottant parmi les nénuphars sur la pièce d'eau voisine de sa cabane, l'avait amené au rivage et en avait tiré un petit enfant exposé là pour périr sans doute, mais que le vigoureux réseau des fleurs avait fait surnager. Antoine le porta aussitôt à sa femme qui n'avait pas d'enfant, et tous deux relevèrent en l'appelant bébé. L'Église avait ajouté un nom de sainte à celui-ci, mais pour le petit monde qui l'entourait, elle resta toujours bébé. Bébé, quand elle trottait entre les rangées d'œillets rouges plus haut qu'elle, bébé, quand sa tête blonde atteignit le sommet du buisson de lavande, bébé encore, le jour mémorable où la chanson de la grive et le clairon du coq l'avaient éveillée sur le seuil de sa 16e année. La cabane du vieil Antoine était jetée dans l'enclos que formait une haie vive sur le chemin de la Ekenne à Bruxelles, au cœur même des prairies planes et des nobles futaies du Brabant. Près de l'eau que sillonnent des cygnes et au-dessus de laquelle se balancent les saules sont groupées quelques maisonnettes. Plus loin, il y a une vieille église. Au-delà s'étendent les champs de blé sans limite et les moulins aux ailes rouges. Plus loin encore, l'horizon pâle et bleu qui fait penser à celui de la mer. C'était une gentille chaumière, peinte en rose à la mode du pays. Les deux volets carrés étaient assombris par des plantes grimpantes et le toit, assez bas pour que la main pût y toucher, teint de jaune et de vert par toutes les mousses et tous les lichens connus. Aussitôt que bébé fut assez forte pour lier des bottes d'œillets et les porter dans une corbeille, elle suivit Antoine, devenu veuf, le long de la route verdoyante jusqu'au marché où les acheteurs ne manquaient pas. C'étaient de jeunes mères surtout attirées par la beauté de ce chérubin plutôt que par les fleurs. De sorte qu'Antoine Maes avait coutume de se signer en disant que grâce à Notre-Dame, le commerce marchait 3 fois mieux depuis que la petite offrait les bouquets de sa main mignonne. Cependant, les longs hivers qui font de la montagne de la Cour une pente rapide de glace, qui blanchissent les pinacles de Sainte-Gudule et qui répandent la mort dans les jardins de campagne, n'en étaient pas moins durs. L'argent gagné au temps des fleurs passait en pain noir et en fagots, ce qui explique que l'héritage du père Antoine se réduisit à quelques écus au fond d'une cruche de terre. « Vis toujours ici, petite. Ne prends avec toi personne qui te tourmente. Sois bonne pour la chèvre et pour le sansonnet. Soigne bien tes fleurs, » dit-il au moment d'expirer, tandis que bébé sanglotait à son chevet en promettant d'obéir. Elle n'avait pas encore 14 ans, et quand elle eut enseveli son vieil ami, elle se sentit bien seule. Assise dans un coin de la cabane, elle réfléchit tristement aux ordres de celui qui avait été pour elle père, mère, patrie et roi. Le mois de mai faisait étinceler de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel son petit empire qu'elle contemplait à travers la porte ouverte. 5 ou 6 voisines vinrent, c'étaient de braves paysannes courbées sur le sillon, ou de laborieuses ouvrières en dentelle, toutes honnêtes et bienveillantes, mais rusées néanmoins à leur manière quand il s'agissait d'intérêts personnels. « Tu es trop jeune pour vivre seule, » dit l'une d'elles. « Viens chez nous, je te logerai, je te nourrirai, moyennant le revenu de ton jardin. »« Ce serait la volée, » dit une autre. « Ma vieille mère viendra tenir ta maison, bébé. » « Nous ferons de ton méchant jardin un fameux potager, » reprit la plus riche, Trine Krebs, « et de ta maison une étable à vaches. Quand tu seras en âge de te marier, ta dot se trouvera ainsi arrondie à mes risques, car j'entends t'héberger, et tu ne manqueras de rien. » Bébé n'était qu'une enfant, mais elle n'était pas sotte, et aucun des regards venimeux ni des aigres paroles qu'échangèrent les commères en se disputant le soin de la protéger ne lui échappa. Les larmes se séchèrent soudain sur ses joues, et avec une fermeté inattendue, « Vous êtes bien bonne, sans doute, » dit-elle enfin. « Mais voyez-vous, il m'a conseillé de vivre seule ici, à soigner les fleurs, et je ferai selon son conseil. Monsieur le curé lui-même me dirait que j'ai tort. J'obéirai tout de même. » À toute leur remontrance, elle opposa cette réponse invariable. Les voisines l'accusèrent d'être ingrate, volontaire, obstinée. Comme les paysans ne comprennent la discussion que sous forme d'injures, elles allèrent jusqu'à reprocher à bébé d'être un enfant trouvé, qui n'avait pas plus de place déterminée dans le monde qu'une des mouches de l'étang d'où le hasard l'avait fait sortir. Bébé fut remué au fond du cœur par ces paroles amères qu'elle n'avait jamais entendues. Pour la première fois, elle sentit vaguement ce que pouvait être une honte d'avoir été pêchée parmi les nénuphars. Antoine lui avait souvent raconté ce merveilleux sauvetage en affirmant qu'elle avait pour mère et pour marraine les fées et les fleurs, origine dont elle était fière plutôt qu'humiliée. Le bon vieux curé lui-même, qui savait que la raison nous vient toujours assez vite avec le chagrin, n'avait jamais jugé nécessaire de lui montrer le néant de cette innocente fiction. Quand les gens de Bruxelles l'interrogeaient sur sa famille, elle répondait donc de bonne foi « Ma mère était fleur ». « Tu es une fleur dans tous les cas, » disait-on. Et bébé était satisfaite. Pour la première fois, des doutes lui vinrent. Ses amis paraissaient l'accuser d'un péché. Peut-être, en effet, eût-il mieux valu. Fin de « Deux petits sabots » de Ouida, lu par Christiane Johan.